puis on s'agenouille. Là j'étouffe et je veux qu'on m'écoute, c'est très important. Quand sur 13 opposants, l'armée ouvre le feu. On n'a qu'à bien se tenir, et si mes gars veulent le droit de vote, ce n'est pas pour s'abstenir. Qu'est-ce qu'un avis dérange? Donc le droit de manifester est restreint dans l'indifférence. On s'en tape, oui, pendant qu'on renvoie les pauvres sans thunes. Les grosses fortunes sont accueillies, bien entendu demandant aux cow-boys qu'on monote les mains tendues des mendiants. Dans le cortège de la folie, on veut une justice juste qui nous protège de la police. Attention, sois paré, car mani dans la manif, l'addition sera poivrée. En chair et en osmose, enchaîné à haute dose, mon hip-hop pour penser à autre chose. C'est décidé, c'est d'étirer la rage de perdre. Moi j'ai mes idées, déterrer la hache de guerre. En chair et en osmose, enchaîné à haute dose, mon hip-hop pour penser à autre chose. C'est décidé, c'est d'étirer la rage de perdre. Moi j'ai mes idées, déterrer la hache de guerre. Je regarde plus le 20h, quand on sait qu'on t'enseigne que le point de vue des vainqueurs. En effet c'est récurrent, durant 3 ans on rassemble et enferme les requérants. Si t'en doutais, la suite est fermée, c'est clair, mais la chasse aux requérants est ouverte. Ça ira mieux, tu savais pas, Areva te prépare un avenir irradieux.